ما حبس با لي بغا ديجا لو يونا ترو elle veut finir sous les draps elle veut sentir dans mon corps s'odorer dans la ville je n'ai fait des fautes c'est l'histoire de ma vie non je connais pas de stop je regarde le ciel et je vois tout ce qu'on a fait je vois tous mes ennemis mais à la base c'était mes refrains m'a laissé la vie on sait même plus on va je sais même plus ce que je veux partir loin d'ici ou rester en bas et merde j'ai trop de choses dans la tête merde c'est tous les jours que je gamberge je dois faire le vide j'ai pris du retard c'est la vérité écoute mon histoire j'ai pas oublié t'es parti pour les dollars t'achètes là tous les dollars je suis dans le bank scalé je vous passe le célèbre je m'en rappelle même plus de mon ex y'a que mon miroir qui s'en sert c'est compliqué tu sais qu'on a fait du sale mon cœur est fait pour la maille désolé mesdames je peux pas vous donner du time je peux pas vous donner du time je suis dans le bank scalé je vous passe le célèbre je m'en rappelle même plus de mon ex y'a que mon miroir qui s'en sert c'est compliqué tu sais qu'on a fait du sale mon cœur est fait pour la maille désolé mesdames je peux pas vous donner du time je peux pas vous donner du time oh maman je suis saoulé personne ne croyait en moi je voulais pas tout laisser couler en ce moment j'ai des idées noires des yeux rouges dans le barrio je me reconnais plus devant le miroir ce que je raconte n'est pas si simple non écoute ma voix je m'inspire de cette vie pour garder l'espoir des solutions qu'on soit bien d'accord de ma tête je repense à maman je suis différent à qui tu me compares hey gros j'ai traîné tard la nuit je voulais voir la lumière bah les couilles de mes ennemis de qu'avant je finirai premier j'suis dans le bain scalé je vous passe le célèbre je m'en rappelle même plus de mon ex y'a que mon miroir qui s'en sert c'est compliqué tu sais qu'on a fait du sale mon cœur est fait pour la maille désolé mesdames je peux pas vous donner du time je peux pas vous donner du time j'suis dans le bain scalé je vous passe le célèbre je m'en rappelle même plus de mon ex y'a que mon miroir qui s'en sert c'est compliqué tu sais qu'on a fait du sale mon cœur est fait pour la maille désolé mesdames je peux pas vous donner du time je peux pas vous donner du time ma habes pas les bras des jaloux y'en a trop elle veut finir sous les draps elle veut sentir dans mon corps s'odorer dans la ville j'en ai fait des fautes c'est l'histoire de ma vie.